Ou la batterie. On va remettre la batterie. Je sais plus ce que c'était la batterie. Merde. Pas grave. J'ai mis autre chose. Patience. Patience. Ça va là. Je range le bordel. Tac, tac. Basic Rock 1. Ça c'est pas ça, putain j'ai perdu, je me rappelle plus ce qu'on m'a aimé. Rock sample. C'est quoi ça? Et puis qu'il y a un petit roulement à la fin. 3, 4. Fort ta guitare. Oh là là. C'est trop fort là. Ouais. petits accords. Ouais. Combien? D'accord. Comment ? J'avais pas y jouer, c'est nul. Ah c'est chiant, j'arrive pas. c'est pas du tout le... c'est pas du tout comme ça qu'il faut le faire, je pense. Sur banjo. C'est un mi, ouais. Oh, nul. La cucaracha. changer le tableau. Des crapauds, je crache des crapauds, je crache des crapauds, je crache des crapauds. 1, 2, 3. Oh, elle est un peu énervante cette batterie là. Le batteur est nul, nul à chier le batteur. Vieille pute. Avant. Espèce de Marshall. un peu fort. Merci, c'est décalé. Alors, on va essayer de faire ça. We'll be right back. Vieux slip, vieux frère, je me souviens de toi. Je crache des crapauds. Hey, vieux frère, vieux slip, vieux gars. C'est vrai la gola, c'est vraiment la levée. Vous la c'est du bol, va se lever. C'est voilà le machin de le reggae. Ça c'est vraiment c'est chelag. C'est vraiment boule la frie, la boule la frie, boule noire. Boule noire. On est fou. C'est pour mes nous frères là. Vraiment là, les gens là vont se lever, vont mouiller, vont voter. Là, les frères là, en slip là. Va te lever, les frères là, tu es en slip. Va te lever là. Mais si ton slip là, il est sale. C'est pas grave là, mais mon Dieu. Voilà, tu vas te lever là. Tu es vraiment dégueulasse là avec ton slip, hein. Voilà. Tu es vraiment irrespectueux. Attends. Les slips blancs, c'était pour les frères, l'ancien. C'est pour les anciens. Les flips, on va passer là, c'est le futur, les caleçons. Hein. Ça, c'est les slips blancs, faut laisser blanc d'aller. Pour les anciens, c'est les anciens qui portaient ça. Hein. Maintenant, là, nous portons vraiment des trucs plus légers, des trucs moins serrés. Hein. Parce que le paquet là, s'il est serré là-dedans, là, c'est vraiment, c'est. Faut laisser respirer, hein, là, les bijoux, hein, faut laisser respirer les bijoux, hein, comment. C'est vraiment que les gens vraiment mettent les clips là pour. Je comprends pas. Putain, ils sont nus. Voilà. Faut le recaler. On va y arriver, allez Coco, tu vas chanter. Bienvenue dans le ghetto.

c'est pour me faire gâcher. À la vega, vega, no, c'est pour me faire gâcher. À la vega, à la vega, oh, oh, oh, la vega, à la vega. Tous les sons spéciaux. Pas mal. Attends, j'ai un truc. Coco, après j'ai un truc après. Zizi. You'll never hide and je suis pas carré du tout là. Je suis pas carré, merde. Je vais essayer de le faire carré. Coco, vas-y Coco. Allez mon petit Coco. Dis-nous ce qu'il y a dans ton cœur. Le fric.